Chapitre 7. Quand elle était arrivée l'après-midi à la maison de santé, Mathilde s'était rendue immédiatement au bureau du docteur. En partant, elle avait annoncé son retour pour le surlendemain seulement, mais elle pensa que, dans cette maison en plein coup de feu, on ne lui en voudrait pas d'être revenue un jour plus tôt. En effet, on trouva tout de suite à l'employé, et ce fut, à sa grande satisfaction, dans une chambre du premier étage, pas très loin du fond du couloir, où la grande et mystérieuse garde-malade soignait et gardait jalousement Madame Asquin. Mathilde avait son plan, qui était d'enlever Rose, mais ce n'était pas très commode à exécuter. Elle s'acquitta donc rapidement de tous les soins que l'on réclamait d'elle dans la chambre qu'on lui avait assignée. Un chirurgien éminent avait procédé à un pansement délicat pour lequel il avait eu besoin de l'infirmière en titre et de l'auxiliaire Mathilde. Cette dernière, ayant rempli ses fonctions à la satisfaction de tout le monde, s'empressa d'aller faire un tour dans le jardin afin de voir, à tout événement, s'il n'existait pas d'autre issue que la porte principale. Mais toute la propriété était entourée d'un mur imposant qu'il était impossible de franchir et que ne trouvait aucune poterne. Mathilde songeait donc au moyen de s'en aller, le moment venu, par la grande porte, quand elle avisa une remise d'automobile où un chauffeur était en train de nettoyer une voiture qui appartenait à la maison de santé et servait au transport des malades. Mathilde s'approcha négligemment, toute prête à engager la conversation avec le chauffeur, mais elle eut affaire à un quinquagénaire taciturne de qui elle obtint à peine quelques monosyllabes. Tout de même, elle eut le loisir d'examiner le fond de la remise et d'observer qu'une porte à coulisses permettait de faire sortir directement l'auto dans la rue sans avoir à passer par le jardin. Tout en feignant de s'intéresser vivement au travail du chauffeur, elle remarqua que la porte à coulisses se fermait au moyen d'un cadenas. À cet effet, la porte en question portait, fichée dans son bois, un crochet de fer formant anneau qui s'unissait au moyen du cadenas à un autre crochet planté dans le mur. Le dit cadenas n'était pas encore fermé. Il pendait pour le moment à un des anneaux. Mathilde remarqua que ce cadenas était muni de sa clé. Le chauffeur devait être depuis assez peu de temps de retour d'un voyage en ville et il avait rentré son auto par la porte à coulisses. Sans doute avait-il reconduit un malade à son domicile ou bien était-il allé faire une course avec sa voiture pour le service de la maison? Quand il amenait des malades, il passait toujours par la grande porte. Continuant ses observations, Mathilde remarqua qu'il n'y avait pas de logement de chauffeur au-dessus de la remise. L'homme devait donc coucher en ville ou dans les combles de la maison. Il lui parut être un garçon méticuleux qui, sûrement, avant d'aller se coucher, fermait soigneusement ses portes. Quand viendrait l'heure, il ne s'en irait certainement pas sans refermer le cadenas de la porte à coulisses et sans donner un tour de clé à la porte qui fermait la remise du côté du jardin. Mais la fureteuse Mathilde aperçut un clou fixé dans un arbre tout proche, et ce clou lui parut destiné à recevoir la lourde clé de la porte. On saurait donc où la trouver. Cependant, une fois la porte de la remise ouverte, comment ouvrir le cadenas de la porte à coulisses qui donnait sur la rue? Il fallait de toute nécessité se procurer une petite lime. C'était bien compliqué, mais il n'y avait pas à choisir, car plus Mathilde y réfléchissait, plus il lui semblait périlleux de s'en aller par la porte principale. Cela ne cadrait pas, comme on le verra plus loin, avec son plan, et d'autre part, cette porte principale était gardée par un concierge qui n'avait pas de cordon. Sa consigne était de se lever et d'ouvrir la porte lui-même. Il s'agissait donc de trouver une lime pour venir à bout du cadenas. Il fallait s'en occuper sans retard, car il était 6h30 et les boutiques de Neuilly devaient fermer à 7h. Mathilde, en passant chez le concierge, laissa sa blouse d'infirmière. Elle demanda par la même occasion l'adresse d'un quincailler. Il y en avait un à 3 minutes de là, dans une grande rue commerçante qui coupait le boulevard du château. Tout en marchant, Mathilde se disait qu'elle faisait peut-être là une course inutile. Ce mécano taciturne, après avoir fermé le cadenas, pouvait très bien y laisser la clé, puisque, somme toute, il n'avait à protéger son automobile que contre les gens du dehors. Ceux-ci ne pouvaient ouvrir la porte à coulisses du moment que le cadenas était fermé. Peu importait pour cela que la clé fût laissée ou non sur le cadenas. Mais au fond, il pouvait très bien ne pas faire ce raisonnement et emporter tout de même la petite clé. Il valait mieux ne pas courir cette chance, et il était sage de se procurer une lime à tout événement. Si Firmin eût assisté à l'élaboration de ce plan de campagne, il n'eût pas manqué de s'étonner que Mathilde se préoccupât ainsi des moyens de faire fuir Rose avant de s'assurer de la personne même de la jeune femme. Mais il était probable que l'avisée Madame Gourgeot avait déjà combiné toute la première partie de son programme. Elle trouva, à l'endroit indiqué, une boutique de quincaillers assez bien fournie, où sans doute de nombreux chauffeurs des environs devaient venir s'approvisionner. Or, voilà qu'en choisissant une lime, elle aperçut des cadenas qui lui parurent tout à fait semblables à celui qui fermait la remise. Elle en acheta un avec 2 clés. Elle revint ensuite à la maison de santé, reprit sa blouse chez le concierge et se dirigea vers la remise où le mécanicien était toujours en train de travailler. Mathilde avait espéré qu'il laisserait la place vide un instant, mais comme il n'en bougeait pas, il fallait faire sa connaissance. Toujours au travail ? « Tout le monde ne peut pas se reposer, » répondit rudement le chauffeur. Si peu aimable que fût cette réponse, il avait néanmoins engagé le fer. Mathilde ne manqua pas d'en profiter. « Si c'est pour moi que vous dites ça, » fit-elle, « je trime depuis ce matin auprès de mes malades. C'est le docteur lui-même qui m'a trouvé mauvaise mine et qui m'a envoyé prendre l'air dans le jardin. » Elle jugea que le commencement de cette conversation créait entre eux assez d'intimité pour qu'elle pût se permettre de pénétrer dans la remise. « C'est bien suspendu, ces voitures-là, » dit-elle. Elle tenait à ne pas laisser tomber la conversation. Le chauffeur ne répondit rien, mais il ne laissa échapper du moins aucun signe d'impatience. Et c'était, en somme, tout ce qu'on pouvait demander à ce peu affable compagnon. Mathilde remarqua avec satisfaction que, pour procéder à des réparations mystérieuses, il se glissait sous la voiture. Elle en profita pour s'en aller en bon badaud vers le fond de la remise. Le cœur battant un peu, aussitôt qu'elle pensa n'être plus vue du mécano, elle remplaça le cadenas ouvert pendu à l'un des crochets par le cadenas tout pareil qu'elle avait acheté. Si, avant de se retirer, le mécano fermait ce cadenas et en prenait la petite clé dans sa poche, l'astucieuse Mathilde n'aurait plus ensuite qu'à l'ouvrir avec sa double clé. C'était infiniment plus simple et plus expéditif que d'employer la lime. La substitution opérée, Mathilde sortit tout doucement de la remise et reprit dans le jardin son innocente promenade qu'il n'était d'ailleurs pas dans ses idées de prolonger. Les malades prenaient leur repas entre 6 et 7 heures dans leur chambre et les infirmières dînaient un peu plus tard dans les salles de garde. Pendant le dîner, Mathilde posa à ses collègues de fortune quelques petites questions qui n'avaient rien d'oiseux. Elle apprit que la garde particulière de Rose Askien continuait à veiller jalousement sur sa malade et que personne n'était admis à pénétrer dans la chambre. Au moment des repas, on déposait à la porte de la chambre sur une petite table les 2 repas, celui de la garde et celui de la malade. On frappait doucement à la porte. La garde venait prendre la petite table et l'emportait dans la chambre. La malade était une nerveuse très gravement atteinte, à qui les médecins avaient recommandé la claustration la plus absolue. « Alors, dit Mathilde, en dehors de cette garde, personne n'est entré dans la chambre ?»« Le jour, dit une infirmière, où la malade est arrivée, une dame, sa sœur, je crois, est restée un instant auprès d'elle. Hier au soir, il est venu un monsieur, probablement un de ses parents. Il est entré et la garde est sortie quelques instants après. Elle paraissait très pressée. Elle est allée faire une course au dehors. Elle n'est pas restée bien longtemps. Pendant le peu de temps qu'elle est restée absente, le monsieur est resté dans la chambre avec la malade. Sans doute que c'est une personne qu'ils ne veulent pas laisser livrer à elle-même et qu'ils tiennent à surveiller. À 9 heures, selon la règle de la maison, l'électricité était éteinte dans les chambres. Celles des infirmières qui passaient la nuit sur des fauteuils ou des chaises longues auprès des lits des malades avaient déjà organisé leur installation. Les autres se retiraient dans des dortoirs spéciaux. En principe, on leur défendait, par crainte d'incendie, d'allumer des bougies. Mais Mathilde savait bien qu'en vertu d'une tolérance, l'heure de l'extinction des feux était prolongée pour les infirmières jusqu'à 10h30. Par exemple, à partir de cette heure-là, la consigne était rigoureuse. Mathilde n'ignorait donc pas qu'en attendant 11h, elle serait sûre de trouver une parfaite tranquillité dans la maison. Elle était seule dans un petit dortoir de 3 lits. Ses collègues passaient la nuit à côté de leur malade. Elle attendit paisiblement 11h, en lisant jusqu'à 10h30 au moins un vieux roman tout déchiré qu'elle avait déniché dans un coin de la salle de garde. La dernière demi-heure dans l'obscurité fut la plus longue. Elle finit cependant par passer comme les autres. À 11h, Mathilde s'engagea dans le couloir qu'une veilleuse éclairait. Puis, étouffant ses pas, elle gagna la porte du fond. Elle frappa doucement. Elle attendit un moment et frappa une seconde fois. Peut-être Robert Askien dormait-il. Quand Mathilde entendit enfin un peu de bruit, il se passa encore un temps assez long avant que l'on ouvrît la porte. Quittait-il pour la nuit ses vêtements de femme? C'était peu probable et c'eût été bien imprudent étant donné les alertes possibles. Mais sans doute au moment d'un éveil subi avait-il besoin de remettre son accoutrement. La porte s'entrebâilla et Mathilde aperçut une longue figure inquiète. « Qu'est-ce que c'est ? » dit Askien. « C'est une commission très pressante pour vous, madame, » dit Mathilde. « Voilà, » continua-t-elle aidée par son émotion à contrefaire la voix d'une personne essoufflée. « Je viens de rentrer à la maison » Et au moment où je sonnais, Je me suis trouvée accostée par un monsieur qui m'a remis 20 francs et qui m'a chargée de vous prévenir, madame, pour que vous veniez le retrouver tout de suite pendant 10 minutes. C'est de la part de monsieur le comte de Félicia. » La garde-malade parut en proie à une grande perplexité. « Il attend dans la première rue à gauche, » qu'il a dit, « à 100 pas en sortant de la maison. » Robert Asquin semblait de plus en plus agité. Il rentra dans la chambre, probablement pour voir si la malade dormait. Puis il revint au bout d'un instant et dit à Mathilde, « Je ne serai pas longtemps. Restez à la porte de la chambre. Si par hasard vous entendiez remuer, entrez dans la chambre et empêchez la malade de se lever. Elle est très gravement malade. Je ne devrais pas la quitter une minute. Je vous la confie. » À peine Robert Asquin avait-il disparu au bout du couloir que Mathilde ouvrait la porte. À la lueur de la veilleuse qui tremblait sur la cheminée, l'infirmière de rencontre s'approchait du lit. Une petite femme brune se dressa, tout effrayée. « Il n'y a pas de temps à perdre, » dit Mathilde. « Levez-vous vite et venez avec moi. Je suis une amie. Je viens de la part du jeune homme qui vous a recueilli l'autre soir. » Se disant, elle l'aidait à se lever, et jetant les yeux sur les meubles, elle avisa une sorte de grand manteau de voyage qu'elle mit sur les épaules de Rose. « Je ne sais pas où sont mes bas, » disait Rose. « Mettez vos bottines sans vos bas. » Rose enfilait une bottine et l'ôtait, s'étant trompée. Cependant, Mathilde suivait par la pensée Robert Asquin. Il devait sortir en ce moment de la maison. Il irait très vite au coin de la prochaine rue. Il ne verrait personne et ne tarderait pas à soupçonner une trahison. Peut-être aurait-on pu l'envoyer plus loin, mais c'eût été dangereux pour la vraisemblance. Rose avait fini par se chausser tant bien que mal. Les deux femmes sortirent hâtivement, Mathilde prenant soin de refermer la porte. Elles s'engagèrent dans cet interminable couloir. Arrivées au bout, comme elles descendaient l'escalier, elles entendirent du bruit et s'arrêtèrent, figées de peur. Ce bruit se précisa. C'était le docteur, directeur de la maison de santé, qui rentrait dans son appartement particulier. Et Robert Asquin pouvait venir et les trouver dans l'escalier. Mathilde pensa à remonter pour se cacher n'importe où au second étage. Enfin, le directeur rentra chez lui. Mais il fallait attendre tout de même un instant qu'il ne fût pas trop près de sa porte quand on passerait devant. Elles descendirent avec encore plus de précaution. Cependant, il fallait se presser tout en faisant bien attention. Il y avait pour sortir du bâtiment une double porte vitrée, et le bruit de la serrure paraissait effroyable. Une fois dans le jardin, pour gagner la remise, on s'écartait enfin de la route que suivrait à son tour Robert Asquin. Mais on passait devant la fenêtre ouverte du directeur. Mathilde poussa doucement Rose vers le gazon, plus discret que le gravier des allées. La clé de la remise était bien attachée au clou de l'arbre. Quel bruit d'enfer cette lourde clé revêche fit dans la serrure pourtant assez bien huilée. Une fois entrée avec Rose dans la remise, Mathilde referma la porte en dedans. En cas d'alerte, elles étaient maintenant dans ce réduit remise, comme dans une forteresse. Mais tout de même, il valait mieux en sortir. Mathilde avait sur elle sa fidèle petite lampe électrique. Elle éclaira le cadenas et vit que le chauffeur y avait laissé la clé. Il n'avait guère lieu de craindre, en effet, que les attaques venues du dehors. La double clé de Mathilde fut donc inutile. Elle s'était donnée pour changer le cadenas une peine superflue, qu'elle ne regretta pas, cependant. Le hasard, en effet, aurait très bien pu ne pas la favoriser. Elle s'arrangeait toujours pour se passer de lui, sans mépriser le secours qu'il voulait bien lui fournir. Cependant, le cadenas détaché, Mathilde poussait doucement la porte à coulisses. Ses muscles de campagnarde ne lui furent pas inutiles. Elle n'écarta d'abord cette porte que juste ce qu'il fallait pour passer la tête. Mais elle ne fut pas longue à la refermer. À 30 pas de là, à la lueur d'un bec de gaz, elle avait aperçu une grande silhouette de femme qu'elle connaissait bien. Robert Asquin revenait le long du trottoir et n'allait pas tarder à passer devant la remise. Cette vision n'effraya Mathilde que pendant une seconde. Elle pensa tout de suite qu'Asquin, n'ayant pas trouvé le compte à l'endroit indiqué, faisait le tour du pâté de maison. Elle prêta l'oreille pour l'entendre au moment où il passerait devant la remise. Mais la porte épaisse ne laissait filtrer aucun bruit. Au jugé, quand elle pensa qu'il avait tourné l'autre coin de rue, elle écarta à nouveau la porte, sortit et fit sortir Rose. Puis elle l'entraîna rapidement, le plus loin possible de cet endroit dangereux. Elles marchèrent droit devant elle pendant quelques minutes. Mathilde n'était pas très rassurée, mais elle ne s'effrayait pas outre mesure. En somme, il faudrait à Robert le temps de rentrer dans la maison, puis de ressortir. Elles avaient sur lui une certaine avance, et il ne pouvait pas à lui tout seul les poursuivre dans toutes les directions. Elles avaient bien plusieurs chances pour qu'il ne s'engageât pas sur la bonne route. Dans ces conditions, il ne s'agissait pas de se dire « il me poursuivra plutôt dans cette direction ». On n'en savait rien. Il valait mieux ne pas faire de subtils zigzags et couvrir le plus de chemin que l'on pourrait en ligne droite, afin de profiter le plus possible de son avance. Elles aperçurent enfin les lumières d'une automobile. Ce n'était pas un taxi, mais son chauffeur paraissait animer des intentions les plus hospitalières. Mathilde n'hésita pas à lui offrir 20 francs pour les conduire au cours de Vincennes. Il demanda 30 francs. Ils transigèrent pour 25. Elles se hâtèrent de monter dans la voiture. Rose et Mathilde, pendant cette fuite, ne s'étaient pas adressé la parole. Elles avaient fui comme un gibier pourchassé qu'un instinct de conservation occupe et mène exclusivement. Mais à peine dans la voiture, cette pauvre petite Rose tourna quasiment de l'œil. Mathilde Gourgeot n'avait sur elle ni sel ni vinaigre. C'était une femme assez dure et qui n'avait pas, pour les évanouissements des jolies filles, la tendre sollicitude d'un soigneur masculin. Mais elle savait que cette défaillance avait de sérieuses excuses. L'auto continuait à rouler vers la barrière. On trouverait sans doute, passé la porte, un restaurant ouvert où l'on pourrait se procurer du vinaigre, du cognac, de l'eau glacée. En attendant, il n'y avait qu'à établir un courant d'air dans la voiture. Rose, cependant, n'avait pas perdu connaissance. Elle était seulement d'une extrême faiblesse. Mathilde vit que ses lèvres remuaient. « J'ai mal, » disait-elle. « Pas manger 3 jours. »« Bon, » pensa Mathilde. « C'est probablement qu'elle se méfiait de la nourriture. » On s'arrêta à la barrière, à la porte Maillot, puis Mathilde avisa un restaurant ouvert sur la droite dans l'avenue de la Grande Armée. Le chauffeur alla chercher un bol de bouillon qui fut bien accueilli par Rose. Elle ne dédaigna pas non plus un petit pain qu'elle mangea avec une vive satisfaction pendant que la voiture reprenait sa marche. Mathilde la regardait avec l'affection d'une garde dévouée, mais aussi avec la tendresse avare d'un détective qui tient à sa disposition un témoin précieux qu'il s'agit de ménager pour en tirer les meilleurs renseignements possibles. Répondrait-elle à toutes les questions? L'interrogatoire avec elle devrait être prudent. Il s'agissait de bien savoir d'avance ce qu'on voulait lui demander pour ne pas l'alarmer et la mettre trop sur ses gardes au cas où elle ne voudrait pas trop s'exprimer sur le compte de Robert Askien. Elle n'était encore qu'à mi-route que Mathilde savait déjà quelques détails importants. Elle n'avait pas voulu brusquer son témoin, mais d'autre part, elle ne tenait pas à lui laisser la nuit pour réfléchir. Un détective qui veut savoir la vérité est, par profession, un homme indiscret et ne se fait aucun scrupule d'utiliser l'émotion des gens pour tirer d'eux des révélations intéressantes. Penchée habilement sur Rose dans une posture affectueuse, elle la confessait doucement, tendrement, comme pour la soulager. Et les questions étaient très complètes, très explicites, pour que la patiente n'eût à faire que des réponses brèves, mais suffisantes. « Pauvre femme, vous aviez peur de lui. Oui, je sais qui il est. Je vous dirai comment je l'ai su. Ne vous occupez pas de cela pour le moment. L'important, c'est que vous soyez en sûreté. Il ne vous atteindra plus. Soyez tranquille. » Rose écoutait tout cela dans une sorte de rêve. Elle s'étonnait à peine que cette femme qu'elle ne connaissait pas sût autant de choses sur sa vie. Mathilde s'en rendait bien compte. Aussi en profitait-elle pour obtenir le plus possible de paroles ou d'acquiescements irrévocables. « Il voulait vous empoisonner, comme il a fait avec l'autre. » Rose, cette fois, ouvrit de grands yeux, si angoissée que Mathilde se demanda si elle n'avait pas été trop loin. Aussi continua-t-elle d'une voix très douce, où elle mit le plus qu'elle put d'affection et de protection. « Je sais tout cela, mais je sais que vous ne saviez rien d'abord de la façon dont est mort votre beau-frère et que vous ne l'avez appris que plus tard. » Mathilde, bien sûr, en disait plus qu'elle n'en savait. Elle exprimait ses suppositions avec autant d'autorité que si elles eussent été des certitudes. Elle sentait bien que c'était l'instant de risquer un peu. Elle eut la satisfaction de voir qu'elle était tombée juste. Rose fondit en larmes et sa confession coula tout à coup comme une source enfin libérée. C'étaient des flots de paroles qui s'arrêtaient parfois et que Mathilde savait faire repartir avec un mot habile. Rose avait bien su que son mari n'était pas mort. Il l'avait mise au courant de ses projets de substitution. Il était bien forcé. Il ne pouvait faire cela sans la mettre dans la confidence. Mais elle n'avait rien su, oh, rien su de la façon dont Arthur était mort. Elle avait cru que c'était une mort accidentelle. Les gens du Havre avaient appris qu'un des frères Askien avait succombé à la rupture d'un anévrisme. Seulement, eux croyaient que le mort, c'était Robert. Elle savait, elle, que c'était Arthur. Ce n'était que tout récemment qu'elle avait appris, ou plutôt soupçonné, la vérité, au cours d'une dispute entre Robert et le comte de Félicia. Le comte avait reproché quelque chose à Robert. Il ne s'était pas trop expliqué. Tout de suite, Rose avait eu une idée si horrible qu'elle l'avait repoussée. Mais quand Robert Askien s'était installé à son chevet et qu'il l'avait séparée du reste du monde, elle avait eu, la première fois qu'il lui avait présenté sa nourriture, elle avait eu l'impression, l'intuition certaine, qu'il allait l'empoisonner. Un souvenir du Havre lui était revenu à l'esprit. Un jour, pendant que son frère était chez nous, il a insisté pour que j'aille dîner seule chez des amis du Havre, lui qui m'accompagnait toujours. Il s'était mis à table tout seul avec son frère. En m'en allant, j'étais passée pour leur dire au revoir dans la salle à manger. Ils mangeaient des œufs brouillés. J'avais faim. Je ne savais pas à quelle heure on mangerait dans la maison où j'allais. Avec une des cuillères qui était sur la table, je prends dans le plat une cuillerée d'œufs brouillés. À ce moment, il fait comme un bond, saisit la cuillère, et puis il se calme avec effort et me dit « Tu es stupide, tu vas te gâter ton dîner. » Alors, ces jours-ci, à la maison de santé, j'ai pensé à cela, et je n'ai rien voulu manger. Mais c'était très difficile, parce qu'il voulait me forcer, et moi j'avais peur qu'il voie mes soupçons, car j'étais à sa discrétion, et il n'aurait eu aucun ménagement. Tout de même, de temps en temps, je prenais un peu de pain, mais je ne voulais pas prendre de soupe, ni de liquide. Un jour, ce matin, je crois, comme il voulait me forcer à avaler de la soupe, je l'ai recraché comme si j'avais un haut-le-cœur. Alors, il n'a pas insisté. Mais ce soir, je n'en pouvais plus, et je crois que si j'étais restée jusqu'à demain matin, j'aurais mangé tout de même, tellement je tombais de faim. Cependant, l'auto, qui avait pris le boulevard Haussmann et les grands boulevards, avait dépassé la place de la République et s'engageait sur le boulevard Voltaire. Mathilde aurait bien voulu savoir si Rose était au courant du crime du passage Lunoyer. Elle trouva la transition pour y venir. « Et vous n'avez plus mal à votre épaule ?»« Non, ce n'était rien, et j'ai été tellement remuée ces temps-ci que je n'y ai plus pensé. » « Est-ce que vous savez qui vous a marqué ainsi ?» demanda Mathilde du ton d'une personne qui sait à quoi s'en tenir sur ce point. C'était une excellente attitude qu'elle avait adoptée pour ne pas paraître indiscrète. Elle feignait de connaître parfaitement ce qu'elle demandait. « Celui qui m'a marqué, c'est Artaud. »« Ah oui !» dit d'un air entendu Mathilde, qui, cependant, ne connaissait pas ce nom. Artaud est une espèce de mulâtre qui n'écoute que le comte de Félicia. Il est probable qu'il m'a marqué à l'épaule pour venger le comte, parce que Robert avait marqué 2 jours avant la maîtresse du comte. « Oui, oui, » dit Mathilde, « Madame Bosca. » Et elle revit en pensée le visage blême de la femme enterrée. « Et vous ne savez pas, » dit-elle d'un air très innocent, « où se trouve en ce moment Madame Bosca ?»« Je ne sais pas, » dit Rose, « mais elle est marquée, c'est-à-dire que si quelqu'un de la bande est pris, comme l'indiscrétion ne peut venir que d'une des femmes, tous les autres en liberté peuvent se venger sur elle ou sur moi. » »« Vous savez, c'était des choses qu'ils faisaient pour nous impressionner, mais je ne sais pas s'ils auraient exécuté leurs menaces. » Pourquoi ? Pensait à ce moment Mathilde, ont-ils tué Madame Bosca ? Mais elle se garda de poser la question à Rose, qui, certes, n'était pas au courant de ce meurtre. Elle préféra continuer pour l'instant son enquête dans une autre direction. « Vous étiez bien pressée de rentrer l'autre soir, ou plutôt l'autre nuit, quand vous vous êtes fait reconduire par ce cocher. »« C'était à cause de ma sœur, » dit Rose. « Ma pauvre sœur qui ne sait rien de tout cela, elle sait seulement que mon mari n'est pas mort. Ah, si elle savait le reste !» Et Rose se mit à pleurer. « Voyez-vous, dit-elle, moi je suivais Robert, mon mari, parce que je fais ce qu'il veut, mais je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Il me disait que nous allions refaire notre fortune, qu'il fallait se défendre dans la vie et que nous ne faisions tort qu'à des actionnaires de mines qui étaient tous millionnaires. Ils étaient presque tous ses ennemis, ajoutait-il, et avaient fait ce qu'ils avaient pu pour le ruiner. « Bon, pensa Mathilde, à autre chose maintenant. Pourquoi donc l'autre nuit, quand vous alliez rentrer chez vous, « avez-vous eu peur en voyant des personnes qui se trouvaient devant votre maison et avez-vous dit au cocher de continuer sa route et de ne pas vous arrêter là ?»« Comment ? » dit Rose. « Vous savez aussi cela ? Votre mari, toujours habillé en femme, était avec ces personnes. Ce n'était pas lui pourtant qui vous faisait peur à ce moment-là. »« C'est qu'il y avait là Artaud qui m'avait marqué. » Il s'était même battu avec mon mari à cause de cela. Cet Artaud est une espèce de sauvage. Rien ne l'arrête. Il aurait recommencé à se battre devant la maison. Rien n'aurait pu l'en empêcher. Et peut-être ma sœur aurait-elle entendu du bruit. Alors, j'ai eu peur de ça, et je ne suis pas rentrée avant le grand jour. et seulement quand j'ai vu qu'ils avaient tous quitté le devant de la maison. J'étais décidée à raconter à ma sœur, si elle était levée, n'importe quelle histoire d'accident d'automobile. Heureusement, elle n'était pas levée, et j'ai pu rentrer dans ma chambre sans être vue de personne. Pensez donc, si ma sœur s'était aperçue de quelque chose. Quelle était cette sœur que l'on ménageait tant dans cette famille de criminels? Mathilde allait poser quelques questions insidieuses quand l'auto s'arrêta devant sa maison. Quelle que fût la confiance de Gourgeot et de Firmin dans l'habileté de Mathilde, ils ne laissèrent pas d'être un peu étonnés quand ils la virent entrer avec Rose. Mais tout l'étonnement de Firmin fit bientôt place à un autre sentiment de timidité et d'émotion que causait en lui la présence de la jeune femme. Il ne pensait pas à s'approcher d'elle pour lui parler. Ce fut elle qui, sans le moindre embarras et de l'air le plus naturel du monde, lui tendit franchement la main. Avant de les mettre au courant de tout ce qui venait de se passer, Mathilde s'occupa longuement du logement de Madame Asquin. Il fallait lui céder la chambre de Firmin. Sans tarder, Mathilde alla préparer le lit. Il fut entendu que Firmin irait chercher un gîte dans un hôtel du quartier. Rose avait peut-être encore faim, mais on jugea que le consommé qu'elle avait pris avait été suffisant pour réparer ses forces et qu'il valait mieux attendre au lendemain matin pour lui offrir un repas substantiel. Mathilde alla donc l'installer dans la chambre, puis elle revint auprès des deux hommes à qui elle fit un récit rapide et pourtant complet des événements de la soirée. Gourgeot dut à son tour lui offrir une relation détaillée de son voyage à Bruxelles. Le moment venu de se retirer, Firmin déclara qu'il préférait dormir tout simplement sur un fauteuil de la salle à manger. Il laisserait la porte de la chambre de Rose entr'ouverte et veillerait ainsi sur le sommeil de la jeune femme. Le couple Gourgeot comprit qu'il tenait à sa proposition et se retira dans sa chambre. Firmin, quand il fut seul, se dit qu'il veillerait mieux sur le sommeil de Rose s'il était dans la chambre même où elle reposait. Il entra donc doucement dans cette chambre. Rose dormait. Mathilde lui avait prêté une de ses chemises de nuit, une austère chemise de nuit paysanne. La précautionneuse Madame Gourgeot avait mis une veilleuse sur la table de nuit. Rose, la figure éclairée, dormait sans bouger. Pourtant, Firmin remarqua qu'elle avait l'air de froncer le sourcil, comme si quelque inquiétude eût troublé son sommeil. Il porta auprès du lit un très lourd fauteuil vénérable, y prit place et contempla la dormeuse, dont le sommeil semblait plus paisible maintenant. À mesure qu'elle se prolongeait, cette contemplation devenait plus fervente. Ce fut bientôt une adoration muette et si vive que si Rose se fût réveillée à ce moment, des paroles d'amour se fussent exhalées naturellement des lèvres extasiées de Firmin. Mais Rose ne s'éveilla pas, et Firmin, fatigué par son émotion même, se laissa aller au fond du fauteuil pour adorer plus commodément. Puis il ferma les yeux pour y emprisonner la chère vision de la dormeuse. Il se trouva bientôt dans un paysage vague et changeant où des trains de Bruxelles arrivaient sur les quais du Havre. Il vit des wagons sur des vaisseaux et des tramways sur des pelouses, puis ce fut un interminable cours à l'école de droit. Le professeur parlait extrêmement vite et Firmin ne pouvait arriver à noter son cours sur un morceau de papier infime. Quand le jeune homme ouvrit les yeux, il vit Rose qui le regardait en souriant. Aucun homme au monde ne fut jamais aussi ennuyé ni aussi honteux. Il se leva d'un bond avec un air sérieux et effaré qui mit en joie la jeune femme. Puis il comprit brusquement qu'il fallait rire aussi. Il se mit donc à rire avec la grande bouche la plus niaise que l'on pût imaginer. Il valait mieux encore reprendre son sérieux. Il toussa avec énergie et se rassit sur le fauteuil, son regard vague attendant les événements. « Vous avez bien dormi ?» dit Rose. « Quelques minutes à peine, » dit Firmin. « Vous croyez ?» dit Rose. « Quand je me suis réveillée, vous dormiez, et je me suis réveillée il y a bien une heure. Je ne voulais pas vous réveiller, vous dormiez si bien. Et pourtant, j'avais des choses à vous demander. Ces gens chez qui nous sommes, ce n'est pas des gens de la police. » « Si, » dit Firmin après une légère hésitation. Rose se dressa brusquement sur son séant. « Ils sont de la police ? Oh mon Dieu, et moi qui lui ai dit des tas de choses, mais c'est un guet-apens, vous m'avez attiré dans un guet-apens, c'est infâme ce que vous avez fait là. » Firmin, effaré, ne trouvait pas ses mots pour la calmer. « Je vais m'en aller, » dit-elle, « vous ne m'empêcherez pas de m'en aller, n'est-ce pas ?»« Écoutez, » dit Firmin, « je vous en prie, on vous a sauvé, vous voyez qu'on ne vous veut pas de mal. » « Mais je ne veux pas qu'on arrête mon mari, ni mon beau-frère. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là, mon mari et mon beau-frère, que j'ai trahi ?»« Je vous en prie, » dit Firmin, « c'est moi qui ai fait des recherches pour vous retrouver. La police m'a aidé, mais je ne travaillais pas pour la police. Je parlerai à mes amis, je leur dirai de ne pas livrer votre mari. » Rose fondait en larmes et Firmin lui prodiguait l'assurance que Robert Askien ne serait pas inquiété. Elle finit par entendre ce qu'il disait et se calma un peu. « Vous me promettez, » dit-elle, « qu'on ne lui fera rien. Ce serait tellement mal, ça me ferait tellement de peine. » « Mais non, » disait Firmin, « vous pouvez être tranquille. » Et tout en faisant cette promesse à Rose, il se demandait « Comment vais-je obtenir de Gourgeot qu'il ne le livre pas ? Gourgeot est un fonctionnaire de devoir. De plus, il a entre les mains un criminel dont la capture fera honneur à la police française en rivalité avec la police belge. Gourgeot, évidemment, ne lâchera pas sa proie. » Cependant, il répétait d'une voix douce « On ne le livrera pas. » Dans son désir de la calmer, il s'était approché d'elle et lui avait pris la main. Elle s'était recouchée, apaisée et de nouveau souriante. Elle avait des émotions très vives, mais peu durables. Elle lui dit gentiment « J'ai assez dormi, vous aussi. Prenez une chaise et venez près de moi que nous causions. Je vous ai dit des choses pas gentilles, mais il faut m'excuser. Je suis si nerveuse. » « Et puis, voilà 3 jours effroyables que je passe, et ce soir, cette fuite, cette personne vous a raconté ?»« Oui, » dit Firmin, « elle m'a tout dit. »« C'est une femme étonnante, » dit Rose, « elle m'emmenait comme une petite fille. Avec elle, je n'avais pas peur. Comment est-ce que vous la connaissez ?»« Son mari est de mon pays, » dit Firmin, « je me suis adressée à eux pour vous retrouver, parce qu'il me semblait que vous couriez des dangers. « Vous étiez inquiet à cause de moi ?» demanda Rose. « Oui, » dit Firmin. Il cessa de lui tenir la main pour que son aveu fût plus chaste. « Je vous aime tant, » dit-il. Elle eut un petit sourire étonné, très gentil. « C'est vrai ? » dit-elle. « Mais pourquoi ? » ?»« Pourquoi ? Est-ce qu'on sait pourquoi ? » dit-il très enhardi. « Parce que je vous ai rencontré l'autre soir. C'était si providentiel. Quand je vous ai emporté chez moi, j'ai cru que c'était un cadeau du ciel et que je ne vous quitterais jamais. Je ne comprenais pas pourquoi vous vous en alliez. Et puis, quand je vous ai quitté et que vous êtes monté dans cette voiture, et surtout quand vous m'aviez remercié comme si on ne devait plus se revoir, il m'a semblé que j'étais tout seul au monde. » Et puis, je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'on se reverrait, que ça ne pouvait être autrement. Je vous disais tout à l'heure que j'étais inquiet. Non, ce n'était pas ça. Au contraire, il me semblait que vous ne risquiez rien, qu'il ne pouvait rien vous arriver sans que nous nous soyons revus, car il était nécessaire que l'on se revoie du moment qu'on s'était rencontrés comme ça. Elle le contemplait maintenant sans sourire, mais avec un air très doux cependant. Lui ne savait pas de quel air la regarder. Alors il prit le parti de baisser la tête. « Vous êtes employé ? » demanda-t-elle après un silence. « Je suis étudiant. » Elle fit simplement « Ah !» et son visage devint plus sérieux. Que voulait dire ce « Ah !» et pourquoi était-elle plus grave ? S'était-elle dit que l'aventure prenait un autre aspect et sans doute un autre avenir, que ce futur avocat ou futur médecin n'était plus d'un monde trop différent du sien ? Toujours fut-il qu'à partir de ce moment, elle s'abandonna moins. Elle reprit cependant la conversation et posa à Firmin diverses questions sur ses études, sur son pays, sur sa famille. Mais c'était moins pour se renseigner que pour l'empêcher de garder le silence, pour qu'il n'eût pas la tête baissée, pour bien voir son visage et ses yeux. Ce n'était pas ce qu'il répondait, mais son regard et sa façon de parler qui lui donnaient les vrais renseignements utiles. Elle avait pour ses petites enquêtes personnelles des procédés instinctifs et inconscients qui valaient bien à certains égards ceux de Mathilde Gourgeot. Lui aurait bien voulu l'interroger aussi. Il avait pas mal de choses à lui demander. Pourquoi tenait-elle tant à ce Robert Asquin, à ce bandit qu'il avait séquestré et torturé ? Elle semblait le craindre, mais elle ne le désavouait pas. « Vous l'aimez bien, votre mari, ne put-il s'empêcher de dire. « Mon mari ?» Elle eut un moment d'hésitation. Fallait-il répondre par une parole indifférente ou bien dire tout ce qu'elle pensait à ce jeune homme, qui lui paraissait un brave garçon et qui l'interrogeait si simplement ? Au fond, elle ne demandait pas mieux que de se confesser. « Je ne l'aime pas, » dit-elle au bout d'un instant. « Je ne l'ai jamais aimé. Nous étions l'un et l'autre de riches familles. Nous étions jeunes l'un et l'autre. Nous avons fait un mariage de raison qui avait tout l'air d'un mariage d'amour. Nous n'aurions pas demandé mieux que de nous aimer. Nous étions pleins de bonne volonté, mais nous n'avons pas réussi à être amoureux l'un de l'autre. Il est vrai que nous n'avons pas fait grand effort pour cela. » Je ne peux pas dire que je le déteste, et c'est ce qu'il y a de plus étonnant. Je sais qu'il a fait des choses abominables, et je ne sais même pas tout ce qu'il a pu faire. C'est un monstre, c'est évidemment un monstre. Mais je n'en ai pas l'impression. Avec moi, il n'a jamais été méchant, et je vais vous dire une chose qui va vous sembler énorme. C'est un monstre, mais ce n'est pas un mauvais garçon. « Comprenez-moi, c'est un homme sans aucune espèce de scrupule. Le mal pour lui n'existe pas. Et puis, il aime agir. Il a le goût des choses extraordinaires. Il aimait se faire passer pour mort, prendre des habits de femme, fabriquer de faux titres. Mon beau-frère, le comte de Félicia, n'est pas un scélérat comme lui, mais je vous assure qu'il est plus méprisable. » Il a des remords, tandis que Robert ne sait pas ce que c'est. Il ne se demande jamais s'il a tort ou raison. Non, je ne le déteste pas. Je suis aussi incapable de l'aimer que de le haïr. Mais je sens que j'ai de l'attachement pour lui, peut-être parce que j'ai l'impression que moi seule le connais tel qu'il est et que je lui dois, à cause de cela, une espèce de protection. Et puis, quoi qu'il ait fait, c'est mon mari. Nous avons mené une vie commune. Je suis peut-être forcée de le fuir, mais c'est pénible pour moi de l'abandonner. Comment, se disait Firmin, obtiendrai-je de Gourgeot qu'il ne le livre pas à la police ? C'est curieux, continuait Rose, c'est curieux qu'il ait sur moi tant d'influence, lui que je n'aimais pas. Mais c'était une affaire d'habitude. Je faisais toujours ce qu'il me disait. » Elle se mit à réfléchir, mais elle était un peu trop fatiguée pour avoir la force de songer beaucoup. Ses yeux se fermèrent peu à peu. Au bout d'un instant, Firmin vit qu'elle s'était endormie. Elle était charmante de paix et d'abandon. Ah, si Firmin avait osé la prendre doucement dans ses bras. Au fait, puisqu'il avait fait son aveu, mais c'était trop tôt encore.